Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'histoire d'une farce de très mauvais goût, le sacre de Bokassa. Le 4 décembre 1977, le dictateur de Centrafrique se couronne lui-même empereur lors d'une cérémonie fastueuse sous l'œil amusé des caméras de télé. Prise à témoin, l'opinion publique assiste alors et avec vertige à cet épisode ubuesque. Les observateurs hésitent entre consternation et rire. Quant à la France, qui a organisé et financé ce spectacle tragicomique, elle se couvre de ridicule. En voulant s'introniser dernier empereur d'Afrique, Bokassa a démontré à ceux qui en doutaient encore que sa mégalomanie, couverte et tolérée par Paris, n'avait plus de limite, tout comme ce concept de France-Afrique, poussé jusqu'à la pire des caricatures. Grâce à des archives diplomatiques inédites du ministère des Affaires étrangères, nous allons donc vous raconter les coulisses de cet événement. Notre invité aujourd'hui, l'historien Jean-Pierre Batte, spécialiste de la France-Afrique. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. Le dernier, La fabrique des barbouzes, histoire des réseaux focards en Afrique, a été réédité aux éditions Nouveau Monde l'an dernier. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat aujourd'hui avec les archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères et, comme d'habitude, avec l'INA, préparée par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacques-Boviez. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Comment faut-il vous appeler ? Sire, comme le disait le général de Gaulle quand il parlait souvent des souverains, ou bien votre majesté, ou majesté impériale ? Je préfère le mot soldat. Qu'est-ce qui va vous couronner empereur ? C'est le peuple. Et quels sont les signes physiques de votre nouvelle distinction ? C'est d'abord l'aigle dans le soleil, ensuite la couronne elle-même et le grand habit. Donc vous avez dit que c'est le peuple qui vous couronnera réellement, concrètement. Qu'est-ce qui va se passer ? Qui va vous donner la couronne ? Qui va vous la placer sur la tête ? La couronne sera déposée avant que j'arrive dans la salle qui sera préparée par le peuple. Je ne peux savoir qui. Mais au moment précis et avant de prêter le serment devant le peuple, je prendrai la couronne moi-même pour mettre sur ma tête. La séquence que vous venez d'entendre a été enregistrée au début du mois de novembre 1977 au palais impérial de Berengo, en Centrafrique. Ce jour-là, le maréchal président à vie, Jean-Bedel Bokassa, accorde une interview à deux journalistes d'Antenne 2. Assis dans un grand fauteuil doré orné de dorures, vêtu d'un ensemble chemise pantalon de couleur beige, canne de bois à la main et jambes croisées, Bokassa adopte une attitude décontractée. Face aux journalistes, Jean-Pierre Elkabbach et Alain Duhamel, le tout-puissant chef de la Centrafrique tente de gommer l'image d'homme impulsif, autoritaire et violent que lui associe d'ordinaire la presse française. Affable, Bokassa répond sans détour aux questions. Et c'est avec une certaine fierté qu'il explique ses choix pour le grand événement qui s'apprête à bouleverser sa vie, son sacre, dans tout juste quelques semaines, pour devenir empereur. Empereur de Centrafrique. Niché au cœur de l'Afrique noire, au carrefour des principales routes qui relient le nord et le sud du continent, bordé au nord par le Tchad, à l'ouest par le Cameroun, à l'est par le Soudan et au sud par le Congo et le Zaïre, la République centrafricaine est un jeune pays. Fondée sur les bases territoriales de l'ancienne colonie française d'Oubangui-Kari, la Centrafrique a pour capitale Bangui et pour président depuis 1966 un certain Jean-Bedel Bokassa. Ancien tirailleur engagé pendant 20 ans au service de l'armée française, notamment en Indochine, Bokassa est aujourd'hui l'homme fort du régime. Cumulant la quasi-totalité des portefeuilles ministériels de son gouvernement, il inspire et souffle toutes les décisions qui se prennent dans le pays. Dictateur francophile, chef d'état-major francophone, et malgré de graves accusations de torture et d'exécution, Bokassa peut compter sur le soutien inconditionnel de la France pour mener à bien sa politique. C'est que, vu de Paris, la Centrafrique se situe dans une position géographique stratégique pour préserver les intérêts français sur tout le continent. À cela s'ajoute l'intérêt du commissariat à l'énergie atomique pour les mines d'uranium situées dans le sud du pays. Alors, on pardonne aux dictateurs, à commencer par le général de Gaulle. Puis, quand Bokassa fait preuve d'une cruauté sanglante contre ses opposants, Georges Pompidou ferme les yeux. Et quand Bokassa prend l'improbable décision de se couronner lui-même empereur, Valéry Giscard d'Estaing accepte de l'aider. En ces journées de novembre 1977, c'est donc un Bokassa tout sourire qui offre à ses hôtes, Jean-Pierre Elkabbach et Alain Duhamel, une visite en minibus de la cité impériale de Berengo. Ici, l'école primaire, neuve et clinquante pour tous les enfants. Là, une clinique moderne où les habitants viendraient, d'après ce qu'on dit le dictateur, se faire soigner gratuitement. Plus loin, on trouve même un mémorial en l'honneur des soldats centrafricains morts au service de la France. Derrière les vitres du véhicule, au fil du parcours, les deux journalistes aperçoivent les paysages verdoyants, denses et humides d'Afrique équatoriale. Sur le côté, de jeunes enfants font de grands signes avec leurs bras, puis se mettent à courir derrière le minibus, le tout sous l'œil amusé du caméraman d'Antenne 2. Mais derrière ce décor, aux allures de cartes postales, Jean-Pierre Elkabbach et Alain Duhamel sont conscients que se cache une réalité bien plus sombre. En Centrafrique, la famine, la pauvreté, l'illettrisme, la censure et les maladies comme le paludisme ou le choléra sont de véritables fléaux. Alors, après quelques questions sur la forme du sacre, les envoyés spéciaux d'Antenne 2 abordent les questions de fond. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a quand même une sorte de contradiction entre le luxe, les faces du couronnement et l'état de la population, son niveau de vie? Mais on ne peut pas créer une grande histoire sans sacrifice. Et ce sacrifice est accepté par la population elle-même, et c'est pour cette raison que la population elle-même contribue en donnant des dons en argent. Vous lui demandez ? Jamais. Je n'ai jamais rien demandé à personne. Mais la population d'ici, est-ce qu'elle sait ce que c'est un empereur ? Elle doit le savoir. La date de la cérémonie du couronnement est fixée par décret officiel, bien sûr, au 4 décembre. Soit, à quelques jours près, l'anniversaire des 143 ans du sacre de Napoléon Bonaparte. Bon, faut-il y voir un signe pour autant? Eh bien, Bangui, un porte-parole de la présidence centrafricaine, répond aux journalistes qu'il n'y a pas de hasard du calendrier et que l'histoire, avec un grand H, s'aligne sur la volonté de Jean-Bedel Bokassa. Circulez. À la fin du mois de novembre 1977, à moins d'une semaine de l'échéance impériale, les rues de Bangui la pauvre prennent les allures de Bangui la coquette. Partout dans la capitale centrafricaine, des milliers d'ouvriers s'affairent pour décorer, nettoyer ou installer les éléments qui vont servir au sacre. Le long de l'avenue Valéry Giscard d'Estaing, par exemple, on installe des lampadaires du haut desquels on tend des fils avec une multitude de petits drapeaux. Le long des grandes artères, on dresse plusieurs arches en béton et des statues à la gloire du futur empereur. Au même moment, au palais Omnisports, renommé palais du couronnement, les décorateurs accrochent les grands bras rouges et blancs qui vont habiller la scène. On recouvre l'estrade d'un tapis rouge, on règle les projecteurs et les micros, on prépare les chaises sur lesquelles seront assis les invités et tout doit être fin prêt pour le 4 décembre, le jour où l'Afrique sacrera son dernier empereur. À quelques mètres de là, le sculpteur Olivier Brice gère les derniers détails de la scénographie, car c'est à lui que le maréchal Bokassa confie le soin d'organiser le couronnement. Au micro de France Inter, il justifie ses choix. J'ai voulu faire quand même quelque chose d'assez chaud, et le résultat, je crois, est pas mal. J'en ai fait quelque chose quand même de très militaire, puisque le couronnement est militaire, et naturellement, il y a des grands drapeaux, couleur Centrafrique, tout au fond de la salle, le trône est posé sur une immense estrade de 17 mètres de long sur 7 mètres de large. Le trône représente, si vous voulez, l'aigle impérial, puisque l'emblème du pays représente l'aigle dans le soleil. Donc c'est un immense aigle de 3,50 m de haut sur 4 m de large. C'est vraiment une pièce unique, une pièce extraordinaire. Ce sont toutes des plumes, si vous voulez, qui sont vissées les unes au-dessus des autres et qui forment vraiment un aigle qui, dont le ventre, si vous voulez, est creusé et forme le siège. Entièrement capitonné de velours rouge, C'est vraiment une pièce assez superbe. Bangui, une capitale devenue un vaste chantier à ciel ouvert pour permettre au nouvel empereur de défiler. Une cathédrale rénovée de fond en comble pour accueillir une grande messe et 5000 invités venus du monde entier. Un palais omnisports transformé en une gigantesque salle du couronnement avec un trône géant. On se demande comment la fragile économie centrafricaine peut financer de tels projets. Autrement dit, on se demande d'où vient l'argent. Pour de nombreux observateurs, il ne fait aucun doute qu'en coulisses, c'est Paris qui règle la facture. François Giscard d'Estaing, le cousin du président de la République et directeur de la Banque française de commerce extérieur, vient d'accorder un prêt exceptionnel à la Centrafrique. De quoi permettre à Bokassa d'assouvir ses désirs les plus fous et ses rêves de grandeur les plus absurdes. Le dictateur met aussi à contribution les 300 000 habitants de Bangui. Chacun d'entre eux est contraint d'acheter un pagne à l'effigie du nouvel empereur. 90 francs CFA pièce, soit un tiers du salaire moyen des fonctionnaires dans ce pays. L'État centrafricain ponctionne également les entreprises privées ainsi que les expatriés. On est bien loin de l'image des dons spontanés et volontaires, comme l'affirmait Bokassa aux journalistes d'Antenne 2. À la sortie de la ville, sur l'aérodrome de Bangui, l'effervescence est à son comble. Depuis plusieurs jours, des avions cargo se posent et redécollent dans un balai incessant. Sur le tarmac stationnent toutes sortes d'appareils. On distingue au loin un avion militaire français de type Transall, duquel on extrait la carrosse à dorure, le carrosse à dorure qui transportera le maréchal. Sur la gauche, un Airbus aux couleurs de la compagnie Air France transporte lui plusieurs centaines de réfrigérateurs et de cuisinières. Sur la droite, à l'ombre d'un hangar, on aperçoit une trentaine de chevaux normands qui descendent d'un petit avion de transport à hélice. Dans le terminal passager, transformé pour l'occasion en centre de stockage, on trouve les centaines de caisses du service en porcelaine de Limoges, fabriquées spécialement pour la cérémonie. Plus de 2000 pièces commandées et livrées avec l'emblème de l'empereur Bokassa. À cela s'ajoutent près de 10 tonnes de nourriture, 4000 bouteilles de vin, 2400 bouteilles de champagne, 2500 fleurs exotiques en provenance d'un célèbre fleuriste du 16e arrondissement de Paris et plus de 200 kilos de matériel pyrotechnique pour le feu d'artifice. À moins de 48 heures du sacre, tout est là et rien n'est trop beau. « Il ne nous manque plus que le gâteau impérial et les huîtres », s'écrit un officier français membre du service protocolaire. « Oh, pas de panique !» lui répond son collègue. « Il devra arriver demain matin, par avion, de Paris. » Témoin malgré lui de cette folie des grandeurs, l'ambassadeur de France à Bangui, Robert Piquet, dubitatif. Dans un télégramme à l'attention du ministre des Affaires étrangères, le diplomate fait part de ses réserves. Depuis bientôt 12 ans, Bangui est le théâtre d'un spectacle tragicomique dont, parfois amusé mais le plus souvent inquiet, nous suivons avec attention les péripéties. Le 4 décembre prochain, un nouvel épisode trouvera son dénouement. À l'occasion d'une conversation privée, le président Bokassa m'a expliqué comment il prévoyait la succession des événements. La perspective pour Jean-Bédel Bokassa de vivre sa propre apothéose semble l'aveugler au point de vouloir tout subordonner au déroulement fastueux de ces instants. Mon devoir d'ambassadeur m'impose de vous alerter sur la tournure que prennent les choses ici. En effet, n'est-ce pas trop ? À Paris, personne ne prend vraiment conscience de ce qui est en train de se jouer à Bangui. Dans le pire des cas, pense-t-on, dans les couloirs du Quai d'Orsay, Bokassa va se rendre compte par lui-même du ridicule de la situation et il annulera à la dernière minute. Voilà. De toute façon, ajoute un fonctionnaire du ministère, d'ici quelques semaines, tout le monde aura oublié cette stupide frasque centrafricaine. Preuve que personne à l'Élysée n'imagine les conséquences à long terme de cet épisode, le ministre de la Défense envoie en Centrafrique une équipe de cinéastes pour réaliser le film officiel du couronnement cadeau qui sera par la suite offert par le président Giscard d'Estaing à l'empereur Bokassa. À la veille des festivités, assis à son bureau de l'ambassade, Robert Piquet écrit une nouvelle note à l'attention du Quai d'Orsay. Pour information, voici un résumé sommaire des demandes faites par Bangui pour le couronnement. Admission en importation temporaire des diamants de la couronne. Garantie COFAS pour l'achat de véhicules en France, 25 Citroën CX Prestige, 211 Peugeot, 69 Renault et 220 véhicules de transport type utilitaire. Je vous précise au passage que le président Bokassa a commandé 45 limousines Mercedes en Allemagne de l'Ouest. Mais l'aide apportée par Paris pour le couronnement du dictateur centrafricain va aller encore plus loin. À cela s'ajoute également une aide technique en matière protocolaire. Nous prévoyons de détacher deux agents du département. Une aide technique pour organiser le défilé militaire. Nous prévoyons d'envoyer un officier de la garde républicaine. Enfin, Bangui demande la musique et la formation de ses cavaliers par la garde républicaine. Résumons. Financement, transport, protocole, acheminement des vivres, films souvenirs, la France intervient à tous les niveaux du couronnement. Le lendemain, au petit matin du dimanche 4 décembre 1977, Jean-Bédel Bokassa marche vers son destin, ou plutôt, il roule vers son couronnement dans les rues de Bangui. Sur l'avenue Giscard d'Estaing, l'étonnant convoi prend des allures de mascarade, tant le contraste entre le carrosse tiré par des chevaux dans lequel s'est installé le nouvel empereur et sa femme, l'impératrice Catherine, contraste avec le climat environnant. Peint en vert et bardé de dorures, ainsi que d'un grand B couleur jaune, initiale de Bokassa, la scène apparaît tout droit sortie d'un mauvais film. Tout au long du parcours, la foule se presse pour apercevoir son nouvel empereur. Le chef de la garde présidentielle a mis en place un important dispositif militaire. Obsédé par sa sécurité depuis la tentative d'attentat à laquelle il a échappé 2 ans plus tôt, Bokassa a aussi demandé à la France d'assurer sa protection, tant qu'on y est. Autour du cortège, on retrouve donc des hommes blancs en jeans et chemise. Il s'agit de policiers français. Pas franchement à l'aise, sous la chaleur étouffante de Bangui. Pas à l'aise non plus les chevaux qui composent l'attelage du carrosse. Après quelques centaines de mètres, l'un d'eux s'effondre, victime d'une insolation. On stoppe le convoi quelques minutes, puis tout ce beau monde repart, direction le palais des sports de la ville. À bord du carrosse impérial, Bokassa est furieux du retard, furieux contre ces incapables qui l'accompagnent, furieux contre tous ces centrafricains qu'il considère comme des êtres inférieurs. Bokassa est en colère contre la terre entière, sauf contre lui. Au même moment, au Palais des Sports, parmi les invités qui attendent l'arrivée du nouvel empereur, se tient un jeune homme en costume et nœud papillon, portant un bandeau rouge sur la tête. C'est Didier Pigano. Étudiant en droit à l'université de Poitiers, il a voulu faire une farce. Il s'est fait passer pour un roi imaginaire, Didier Ier, roi de Basoche. Oui, et il a demandé à l'ambassade de Centrafrique en France une invitation pour la cérémonie du sacre. Il l'a d'ailleurs eu sans problème. Aujourd'hui, le voilà donc à Bangui. Plus tard, au micro de RFI, il raconte. C'était quand même une joyeuse pagaille, il faut le dire. Et alors, cela dit, on a toujours été traités comme des rois, il faut le dire. Mais bon, c'est vrai que ça s'est pas mal dilué. Et un canular aussi énorme, vous-même, vous n'y croyez pas, mais les gens qui vous entourent non plus n'y croient pas. Ou du moins, quand je suis arrivé vêtu, j'ai la cape, j'ai la faluche, et on arrive devant les 6000 ou 7000 invités, et on nous présente au micro Sa Majesté Didier Ier, roi de Basoche. Et là, vous avez 7000 perdus qui vous regardent. L'infortuné ambassadeur de France, Robert Piquet, assiste à l'arrivée du cortège impérial. Il le subit en fait. Derrière les limousines noires de l'escorte, le carrosse traîne péniblement jusqu'au tapis rouge. Un officier ouvre la porte en bois, engoncé dans son costume blanc et ses gants blancs, Bokassa apparaît. Fier comme Artaban, il descend et s'avance vers l'entrée du palais omnisport. Robert Piquet tente alors de faire bonne figure. Mais le représentant du Quai d'Orsay, mal à l'aise devant ce qu'il voit, un drôle de spectacle où le roi est aussi le bouffon. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les Centrafricains ont perdu un maréchal. Ils ont depuis hier, 10h43, un empereur. Bokassa Ier, troisième souverain impérial du monde après Hirohito et le Shah d'Iran. On peut en penser ce qu'on en veut. Notre propos ici n'est pas de juger, mais de vous montrer. Et je crois que le spectacle, avec tout le recul que nous pouvons y introduire, vu de France, en vaut la peine. Voici les temps forts de ce sacre, qui n'en est pas vraiment un, de ce couronnement africo-napoléonien. Dimanche 4 décembre 1977, au Palais Omnisport de Bangui, il est un peu plus de 10h30 lorsque Jean Bedel Bokassa fait son entrée dans la grande salle de cérémonie. Derrière lui, l'orchestre de la Marine nationale française, venu spécialement de Toulon, joue un air grave et solennel. De part et d'autre, la foule des spectateurs applaudit. Entouré d'une nuée de photographes de presse et des caméramans d'Antenne 2, Bokassa marche lentement sur le tapis rouge pour rejoindre l'estrade, là où l'attendent déjà son épouse, l'impératrice Catherine, et son dernier enfant, Jean Bedel Junior. Une fois sur l'estrade, Bokassa se retourne et observe la foule. Face à lui, un parterre d'invités centrafricains triés sur le volet, des invités étrangers également. Mais parmi eux, on ne trouve aucun empereur, aucun roi, aucun président, aucun premier ministre, à l'exception de celui de l'île Maurice. Sur les 101 pays qui étaient invités, beaucoup se font porter pâle ou se font juste représenter par leur ambassadeur. Alors, le service du protocole centrafricain fait comme il peut pour combler les places vides. On invite par exemple une jeune femme blonde aux yeux bleus, entraîneuse des majorettes du défilé, à venir s'asseoir à côté d'un diplomate européen. Côté français, c'est le ministre de la Coopération, Robert Gallet, qui excuse le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, malheureusement indisponible pour assister à l'événement. À ses côtés, on voit René Journiac, le conseiller aux affaires africaines de l'Élysée. Et enfin, François Giscard d'Estaing, le cousin du président, architecte de financement de la cérémonie, surtout grand amateur de parties de chasse africaines. C'est la plus touchante des photos de famille postcoloniales. C'est surtout la France qui s'abaisse. Sur les images, on aperçoit pendant de longues minutes Bokassa assis sur son trône. Des gouttes de sueur coulent de son front et rappellent la chaleur écrasante qui règne ici. Derrière le maréchal président de Centrafrique se dresse l'immense sculpture d'aigle en or et le drap rouge, ce qui donne à la scène un aspect de fête païenne. Puis, de manière désordonnée, plusieurs représentants de l'État centrafricain apportent les insignes du sacre, tous fabriqués à la main, en France. Puis Bokassa reçoit l'épée impériale, le manteau en hermine de 12 mètres de long, et enfin une couronne en or et un sceptre, tous deux sertis de diamants et de pierres précieuses. Les photographes présents saisissent la scène. Face à eux, dans un style qui rappelle celui de Napoléon, Bokassa se redresse, toise la foule d'un regard sombre et pénétré, puis prête serment. Nous, Bokassa Ier, empereur de Centrafrique, par la volonté du peuple centrafricain, jurons solennellement devant le peuple, devant l'humanité tout entière et devant l'histoire de tout mettre en œuvre pour veiller à la saine application de la Constitution de l'Empire centrafricain. Après la cérémonie au Palais Omnisport, la délégation prend le chemin de la cathédrale de Bangui pour une messe en l'honneur du nouvel empereur. La farce jusqu'au bout, car Bokassa monte dans son carrosse, bien sûr, mais enfin, une fois loin des caméras, il en descend et il s'installe dans sa grande limousine Mercedes climatisée. Il fait donc le reste du parcours en voiture, avant de remonter dans le carrosse pour les 200 derniers mètres. Une fois dans la cathédrale, l'empereur rejoint l'archevêque de Bangui et le représentant du pape Jean-Paul Ier qui a refusé de participer à cette mascarade, pour reprendre ses propres mots. À 56 ans, Bokassa, qui s'était un temps converti à l'islam avec le soutien du colonel Kadhafi en l'échange d'un chèque généreux de la part de ce dernier, eh bien, ce même Bokassa semble retrouver l'émotion et, pour le coup, la foi chrétienne, le temps d'un après-midi. Pendant ce temps, à quelques mètres de là, le directeur de la presse, désormais impérial, le ministre Deyetta, prend la parole. Lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 12, versets 4-13. Que celui qui donne le fasse sans calcul, celui qui préside avec zèle, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Au soir du 4 décembre 1977, le nouvel empereur de Centrafrique accueille ses hôtes pour un dîner fastueux dans sa résidence de Berengo. Au menu, foie gras, caviar d'Iran, antilope sauce grand veneur, chaussons d'écrevisses et salades fraîches en provenance des campagnes françaises, le tout préparé par des grands chefs étoilés. Pour le dessert, on amène face à l'empereur une pièce montée, réalisée le matin même à Paris et apportée par avion. Elle mesure plus d'1,50 m de hauteur. Censé être le moment d'apothéose du repas, avec l'envol de tourterelles placées dans sa base, elle tourne au fiasco. Oui, à cause de la chaleur, la moitié des oiseaux à l'intérieur sont soit morts, soit ne sont plus capables de battre des ailes. La journée se termine par 30 minutes de feu d'artifice au-dessus de la jungle. Dans les jours qui suivent, à Paris, la presse française accorde une large couverture à la cérémonie du sacre de Bokassa Ier. La photo de l'empereur centrafricain sur son trône se retrouve dans les pages de l'hebdomadaire Paris Match. Sur Antenne 2, le présentateur du journal de 20h, Roger Jiquel, s'interroge sur la nécessité pour un pays comme la Centrafrique de gaspiller ses maigres ressources dans un événement aussi absurde que caricatural. D'après certains experts, le coût total des festivités pour cette seule journée du sacre s'élève à plus de 15 millions de dollars, soit un quart du budget annuel de la Centrafrique. Sur France Inter, le journaliste Ralph Pinto dresse lui aussi un bilan très critique de cet épisode. Déjà président à vie, qu'est-ce que l'empereur Bokassa Ier avait à gagner? Au-delà du sourire que peut inspirer la décision, il y a le vide africain, ce qui semble être la fuite en avant pour échapper aux difficultés de tous les jours, la banqueroute de plusieurs États et particulièrement ceux qui n'ont aucun littoral sur la mer. Il y a aussi la surenchère de certains de ces petits États, se voulant encore plus africains que les autres. Le maréchal Bokassa, titulaire de 15 décorations françaises, dont la Légion d'honneur à titre militaire, engagé à 18 ans dans l'armée française, combattant d'Indochine, qui pleurait à chaudes larmes au cours des obsèques du général de Gaulle, en parlant de papa qui était mort, l'empereur centrafricain, a déjà dans le passé cumulé bien des fonctions ministérielles. À certains moments, il a même détenu 14 portefeuilles sur les 16 de son gouvernement. Mais cet excès peut également faire peur. Se parer d'un manteau d'empereur est une chose, être obligé de gérer un pays en est une autre, bien plus difficile. Et on sait que dans la technique de direction des pays en voie de développement, la sacralisation du pouvoir des dirigeants qui n'ont d'autre idée conductrice politique que celle de gouverner et gouverner seulement, fait peur. On sait parfois qu'on est obligé d'aller plus loin. On sait que la course en avant, la fuite en avant peut mener très loin. Aux États-Unis, Jimmy Carter annonce que l'Amérique supprime son aide au développement pour la Centrafrique. En France, personne parmi les membres du gouvernement ou des députés de la majorité ne souhaite faire de commentaires sur l'affaire centrafricaine. Tous semblent assis sur une punaise. Dans les rangs d'opposition, en revanche, plusieurs responsables politiques pointent du doigt le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, qu'ils accusent, entre autres, d'avoir cédé une fois de plus aux caprices d'un petit dictateur noir afin de servir les intérêts de la France sur le continent. Partout dans l'Hexagone, les humoristes, bien sûr, s'en donnent à cœur joie, comme ici dans l'émission La Lorgnette, présentée par Jacques Martin. Nous sommes à moitié contents, je le disais tout à l'heure à l'intervention de midi, parce que vous le constaterez qu'aucun d'entre nous n'a été invité au sacre de l'empereur Bokassa. C'est injuste. C'est injuste, et pourtant nous avions préparé, quelque chose pour lui. Dans la fièvre, j'avais été chargé par le gouvernement du Centrafrique de composer l'hymne du couronnement, et le mien a été refusé. Et c'est cette raison pour laquelle nous ne sommes pas invités, mais nous allons quand même le chanter. On y va si vous voulez. Dans les rues de Bangui, le monde est ravi, mon frère. Et la foule en délire, ouais. Faites le premier empire, il est beau, beau, beau. Ouais, ouais, mon vieux. Il est caca, caca. Il est beau, caca. Ah, ça oui. Il est beau, caca. Il est beau, caca. Il est beau, caca. Il est beau, caca. Il est désormais empereur. Alors, on pourrait le croire rassasié, mais non. Lors d'une visite d'État en France, 6 mois plus tard, il annonce son intention de disposer de la bombe atomique. Alors à Paris, on prend enfin conscience du danger que représente le dictateur centrafricain. Et Bokassa se retrouve aussitôt infréquentable. Isolé du reste du monde, fragile sur le plan économique, son régime court à sa perte. En l'espace de 2 ans, l'empereur poursuit une fuite en avant qui plonge son pays dans la violence et menace à tout moment de dégénérer en guerre civile. En septembre 1979, 2 ans après son couronnement ubuesque, Jean-Bedel Bokassa, empereur de Centrafrique, est renversé par un coup d'État, avec le soutien politique et la bienveillance militaire de la France. Quelques jours plus tard, le canard enchaîné dégaine son affaire des diamants. Le scandale éclabousse sévèrement Giscard, qui, lorsqu'il était ministre, aurait reçu plusieurs petites pochettes de diamants des mains de Bokassa. L'empereur déchu part en exil en Côte d'Ivoire avec sa famille, avant de venir s'installer en France, dans son château des Yvelines, puis de retourner finalement en Centrafrique pour y être jugé en 1986. Condamné à mort, sa peine est commuée en prison à vie. Malade, il meurt en 1996 et se fait enterrer sous sa villa avec sa couronne. Des 0 et des 1 pour neutraliser nos besoins sous des torrents décibels. Les mots font des étincelles. Bakuna, France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le sacre de Bokassa. Notre invité, Jean-Pierre Batte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, archiviste paléographe. Vous avez été chargé du Fonds Focard aux Archives Nationales et vous êtes chercheur associé à l'École Nationale des Chartes. Alors, première chose, paléographe, archiviste paléographe, c'est quoi précisément paléographe? Ah, paléographe, c'est la lecture des anciennes écritures. D'accord. Et vous êtes associé à l'École Nationale des Chartes. C'est qui est un des établissements supérieurs français où on apprend à la fois à être archiviste et historien. Bien, tout cela est clair. Vous êtes notamment l'auteur du syndrome Focard, la politique française en Afrique de 1959 à nos jours. C'était chez Gallimard en 2012. Vous avez écrit également La fabrique des barbouzes, histoire des réseaux Focard en Afrique. Ça, c'est au Nouveau Monde en 2015, réédité l'an dernier. Alors, cette affaire du sacre de Bokassa, absurde à bien des niveaux, est-elle l'exemple le plus symbolique de toutes les dérives liées au cadre dit de la France-Afrique? Parce que là, on est dans la pire des caricatures, finalement. Alors, en fait, le métronome est complètement cassé. Qui est dans cette relation de la France-Afrique, c'est-à-dire un système intégré, sécuritaire, politique, économique, à l'avantage de l'ancienne puissance coloniale, sur une transition lente, longue, pour que la France garde son influence, ça existait. Mais il y avait un verrou dans le système qui était censé être le secrétaire général des affaires africaines et malgaches de Jacques Focard, qui devait en fait laisser tout cela dans la limite du raisonnable. Alors pas du raisonnable au niveau de la morale ou au niveau des opinions publiques, mais au niveau des raisonnables dans les risques, dans le rapport risque-gain de la politique française. D'ailleurs, sitôt que Bokassa prend le pouvoir, en réalité, la France, très rapidement, relève plusieurs éléments psychologiques et politiques à son endroit, et le colonel May, le conseiller militaire, résume en fait cette espèce de rapport complexe de la France-Afrique en disant « En décembre 66, après 11 mois d'observation, aussi j'incline à penser que l'intérêt de notre pays est, malgré tout, de faire en sorte que le colonel Bokassa reste au pouvoir aussi longtemps qu'il sera demeuré suffisamment raisonnable. » Et le travail de Jacques Focard dans cette France-Afrique, c'est de maintenir ses présidents africains, ses partenaires, dans la limite du raisonnable. J'entends bien, mais de là à accepter un sacre d'empereur, qu'est-ce qui se passe? Les personnes, les responsables politiques qui dirigent la France à cette époque-là sont quand même des gens lucides et intelligents. Oui. Donc ils ont quelque chose derrière la tête, quoi? Oui, alors premièrement, il faut quand même rappeler que cette économie de Jacques Focard disparaît en 1974 quand Giscard arrive au pouvoir. Mmh. Et Giscard a lui-même son propre agenda. Et dans cet agenda, effectivement, il se rapproche très vite parmi les chefs d'État de la France-Afrique du président de Centrafrique, qui déjà a donné quelques signes de ses velléités, étant passé du statut de président à vie à maréchal, et il prépare à ce moment-là, il est en train d'y réfléchir, son projet impérial. Bon. L'idée de la diplomatie giscardienne, c'était d'espérer que face à ce personnage relativement instable, l'offre, l'ultime caprice qu'on lui cède avec l'Empire serait en échange qu'il devienne une sorte de reine d'Angleterre, qu'il quitte la sphère politique, qui rend en fait, on les évoquait tout à l'heure, les 14 portefeuilles qu'il cumulait, en échange de quoi il irait siéger, il irait à Berengo pour régner, ouais, hors de Bangui. En échange de quoi, donc, un gouvernement s'installerait à Bangui avec des pouvoirs un peu plus mesurés. Mais pendant que les Français espéraient scénariser une reine d'Angleterre sous les tropiques, eh bien, Bokassa, lui, il rêve depuis toujours d'un parcours napoléonien. Ah, et donc ça colle pas. Attendez, parce que Bokassa, il n'a pas conscience qu'il est le bouffon de la planète, quand même? Il se dit pas, à un moment, mais bon, ce que je suis en train de faire quand même devant le monde entier, c'est peut-être un peu too much. Alors manifestement, ça n'est pas arrivé directement dans son circuit de réflexion. Ouais, nous sommes bien d'accord. Puisque dès 69, encore un conseiller militaire disait de lui sur son profil « Mégalomane, cyclotimique, trop facilement irritable et emporté, violent, tyrannique, autocrate, terrorisant son entourage, ses excès le rendent difficilement supportable. » Ça, c'est le résident du deuxième bureau. Il n'est pas sûr que, du coup, Bokassa se soit amélioré à l'usure du pouvoir jusqu'à ce qu'il soit proclamé empereur. D'ailleurs, on va en avoir une autre illustration, une autre preuve. Alors, il n'est plus du tout au pouvoir, exilé en France à partir de 1983. Il se confie face à la caméra d'Antenne 2. Et vous allez voir, ça vaut le détour. On ne comprend pas ce qu'il veut. C'est surréaliste. Mesdames et messieurs les journalistes, bonjour. Un petit instant. Je vous souhaite la bienvenue dans ce château qui est, si vous l'acceptez bien, ce château qui est le vôtre, car il n'est pas le mien. Il est à moi, il est à vous, il est à nous tous. Je ne suis pas ex-empereur, je suis l'empereur de Centrafrique. J'avais 17 épouses, ben oui, et avec, grâce aux 17 épouses, j'ai eu 54 enfants. Accepteriez-vous que mes enfants meurent et que vous veniez comme ça pour filmer? Est-ce que c'est vrai, vous pouvez accepter ça? Voilà ce que je fabriquais. Ça, c'est du riz. Et ça, c'est de légumes. Et ça, c'est farine de manioc. Et heureusement que j'avais fait un stock ici, très important, et c'est ce que je donne actuellement à mes enfants. Mais ça ne suffit pas. Comme je vous le dis, il faut varier. Et bientôt, ce stock-là est fini. Et ça, c'est fait dans mon propre pays, par moi-même, dans mon village natal. Mais ne dites pas Bokassa a tué quelqu'un, Bokassa a mangé quelqu'un, Bokassa a fait ceci, Bokassa... Non, c'est de la haute jalousie. Je n'ai rien fait. Au lieu de me créer une honte comme ça a été fait par la presse française, je préfère en ce moment-là que l'on tue Bokassa carrément et puis c'est fini. Bon, qu'est-ce que vous avez compris Bon, écoutez, moi j'ai écouté l'archive plusieurs fois, en me demandant si je n'avais pas perdu un bout de cerveau. J'ai toujours pas compris ce qu'il veut dire. En réalité, il évoque plusieurs choses. La première, son dépit envers la France. Parce qu'il a considéré d'abord qu'il était le meilleur représentant de la France à Bangui, quand bien même il était président puis empereur d'un État indépendant. C'est complètement fou et paradoxal, mais c'est le rêve d'un enfant de troupe de l'armée coloniale qui a rêvé comme ça jusqu'au bout être le meilleur soldat de la France en Centrafrique, première chose. Deuxième chose, quand il dit « je n'ai rien fait », évidemment, on a du mal à le croire. En revanche, il dit deux choses qu'il a toujours refusées dans les commissions d'enquête humanitaire qui ont suivi au moment de sa chute. Il dit premièrement « je ne suis pas anthropophage, pourquoi m'avoir inventé cette accusation ? » Deuxièmement, « je n'ai pas fait tirer sur des enfants parce que je suis le père de la patrie. » Alors évidemment, c'est en fait... Crédible ou pas ? Alors, sur l'ouverture de feu sur les lycéens, elle a été établie. Maintenant que lui n'ait pas voulu personnellement qu'on ouvre le feu sur les lycéens, c'est autre chose. Ça, c'est à démêler. En revanche, sur l'anthropophagie, ça fait partie d'une campagne pour réifier, pour en faire l'ogre de Béringo, et donc dire qu'il n'est moralement pas acceptable. Alors, il faut bien que quelque part, cette accusation jusqu'au boutiste sorte, puisqu'on a quand même eu l'événement le plus grotesque de la planète avec ce couronnement impérial 2 ans plus tôt. Et puis, troisièmement, il dit quelque chose sur lequel on passe très vite, mais enfin qui est assez formidable, qui est « vous êtes chez moi, vous êtes chez vous, le coup chez moi, le coup du château, au début. À Brécourt. » Qu'est-ce que vous voulez dire ? Alors, la première chose, c'est que d'abord, quand il est au pouvoir, il accumule un patrimoine foncier, il... avoir plusieurs châteaux, dont le fleuron sera à Ardricourt, dans les Yvelines. Deuxièmement, quand il est déchu, en 1979, il n'est pas physiquement à Bangui le jour où il est déposé. C'est-à-dire que les services secrets organisent en fait un coup d'État pour le renverser, ramènent le président précédent, David Dacko, son cousin, pour l'installer sur le fauteuil de président en 79. Mais lui, pendant ce temps, il est à Tripoli, auprès de Kadhafi. Et pour résumer tout ce qu'on a dit, son réflexe naturel, c'est de dire « je suis renversé, je prends le chemin de l'exilou, à Paris ». À Paris, puisque je suis un ancien soldat de la coloniale et je considère donc, en tant que citoyen français, avoir le droit d'aller jouir de mes propriétés en attendant que les événements passent. Vous imaginez le bazar qu'il a pu y avoir sur l'aéroport d'Evreux quand il atterrit. On envoie l'équipe du GIGN, qui était commandée par Proto et Baril, qui doivent réussir à le maintenir. Et pendant ce temps, à l'Élysée, on passe des coups de fil tous azimuts en demandant qui, dans la France-Afrique, voudrait bien accueillir cet invité encombrant de dernière minute de Ké Bokassa. Et finalement, c'est Oufouette qui va accepter. Oufouette Boigny. Oufouette Boigny, le président de Côte d'Ivoire, qui est également la tête de pont de la France-Afrique sur le continent. L'ironie de l'histoire, c'est que Oufouette va le stipendier pendant des mois, lui disant qu'il ne faut plus faire de coup d'État, qu'il faut arrêter de faire de la politique, qu'il faut arrêter de s'agiter et de parler dans les médias. On le cache même quand François Mitterrand arrive pour la visite officielle à Abidjan. Mais Bokassa, qui est intenable, va remultiplier les complots et finalement finir de lasser Oufouette, qui le renvoie en France. Et donc en 83, c'est ça le paradoxe, en 83, Bokassa revient s'installer à Ardricourt, alors qu'il est toujours président déchu. Il arrive 4 ans plus tard à rentrer enfin dans son château d'Hardricourt. Donc cette histoire de proximité entre Bokassa et la France, elle n'explique pas, elle ne répond pas non plus à la question. Et en fait, tous les faits qu'on voit, qu'on découvre, qu'on redécouvre, est-ce qu'ils répondent pas à la question qui est la suivante, peut-être demander à des psys, était-il fou? Ce type était-il un cinglé? Parce que quand même, il a la tête d'un pays, bon. Alors, moi je saurais pas répondre, je suis bien pas sûr. Psy. Voilà, c'est pour ça qu'il faudrait demander psy, mais on a peut-être quand même quelques indications. En revanche, ce qui est certain, c'est que la démarche qu'il a, je reprends le portrait psychologique qui a été dressé par finalement un de ses compagnons d'armes militaires. Mégalomane, cyclothymique, trop facilement irritable et emporté, violent, tyrannique, autocrate, terrorisant son entourage. Ce qui est certain, c'est que c'est un homme d'excès. C'est pas du tout un homme de gouvernement, l'homme idéal pour bâtir un État avec les responsabilités financières, de politique publique. Non, pas du tout. C'est en fait quelqu'un qui a certainement été fracassé par les guerres coloniales aussi. Faut pas oublier que il va servir en Indochine. C'est quelqu'un qui s'est forgé dans cette matrice également de l'horreur et puis des guerres coloniales. Et lui, il passe 20 ans en fait sous les drapeaux. Soit dit en passant, c'est un homme assez intelligent quand même, parce qu'on oublie souvent cet aspect, pour savoir réinventer sa légende. C'est-à-dire que il sait que la guerre d'Indochine, c'est pas forcément l'aspect le plus glamour à vendre quand on est un ancien, mais qu'il y a quelque chose qui est très bien, c'est le débarquement des troupes de Provence. Et donc il va s'inventer un passé de soldat qui débarque dans les troupes de Delattre en Provence pour se vendre un peu comme un soldat de la France libre. Il a été soldat de la France libre, mais il n'a pas quitté le territoire africain. Donc c'est plus un manipulateur, un menteur, oui. qu'un fou, quoi. Ah oui, il y a une grande part de manipulation chez Bokassa, oui. D'ailleurs, la simple affaire des diamants le prouve. Ah bah j'y arrivais, puisque c'est en 79, hein, 2 ans après l'épisode du sacre, et en pleine campagne, enfin, début de campagne pour l'élection présidentielle de 81, éclate effectivement l'affaire des diamants, lorsque le canard enchaîné révèle que lorsqu'il était ministre des Finances, Valéry Giscard d'Estaing aurait reçu des diamants de la part de Bokassa lors de l'une de ses parties de chasse en Afrique. Alors évidemment, c'est le début de la fin probablement pour Valéry Giscard d'Estaing, qui gère mal d'ailleurs cette affaire. Il se met au-dessus de l'affaire, il dit non, je vais pas répondre, je vais pas m'abaisser. Les absents ont toujours tort, ça se retournera contre lui. Donc c'est une affaire grave hein, pour lui et forcément ses opposants. Et le premier d'entre eux, François Mitterrand, à l'époque, eh ben, saisissent la balle au bon, évidemment. On écoute François Mitterrand. Je dis et je répète que pour des socialistes, il n'y a pas de raison d'État. Et que tout homme public, y compris bien entendu le plus important d'entre eux, doit être en mesure à tout moment d'expliquer et de s'expliquer. Il n'y a pas de raison d'État. Il y a le déplorable processus de la politique franco-centrafricaine, la triste compromission de la France dans la dictature de Bokassa. Jean-Pierre Batte, l'affaire dite des diamants est-elle une vengeance de Bokassa contre Giscard qui l'a laissé tomber ensuite hein. L'affaire part en réalité par un article du Canard enchaîné dont la fuite n'est pas celle qu'on a toujours imaginée. C'est un ancien haut fonctionnaire qui gérait l'ENA locale qui a été écœuré par tout ce qu'il avait vu et qui a décidé de faire ça. Sauf que ça paraît au moment où Bokassa lui-même prépare ardemment sa vengeance contre Giscard. Considérant avoir été renversé par